Un champ de stage culinaire est construit au sein du pensionnat des tisserandes de l'usine textile Kim Jong-suk de Pyongyang. Il est muni d'une dizaine de salles de stage de la cuisine, de transformation alimentaire et de l'entrepôt des aliments d'appoint.